na petwo. Panehi. Kanakamwa. Na petwo. Noten. Te puato ko. Nui hamuk. Chichi wichewak. Nete e papamute. E nantuata. Kewin. Chemichet. Poet. En liberté. Je suis parti à la conquête de la vie. Avec le bagage de mon père sur le dos, les rêves de ma mère dans l'esprit. Alors mes yeux se sont remplis d'eau. J'ai pleuré parce que j'avais tort de ne pas croire en la seule vérité. Après des années, je me cherche encore. Mais je ne suis qu'un poète en liberté. La nature de mes larmes vit en moi, la joie s'entremêlant à la tristesse. Elle fait même chanter la petite voix qui rassure le poète dans son ivresse. Nuit montaine, nuit montaine, nuit chidotaine. Thank you.